Voici votre bulletin régional. Un atelier de croissance personnelle intitulé « Le mandala » se tiendra le 20 novembre dès 13h au 37 rue Angus Nord à Istingus. On doit s'inscrire à l'avance. Le vaccin antigrippal sera offert le 20 novembre de 8h30 à 11h30 à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, puis de 13h30 à 16h30 à la salle de la FADOC à Marbleton. Le vaccin antigrippal sera offert les 21 et 22 novembre au centre communautaire de Whedon. Le 21, de 13h30 à 20h, le 22, de 9 à 16h. Soirée noir et blanc pour le club amitié FADOC Distingus le 21 novembre. Dès 20h au centre culturel de Whedon, on présentera Costa Rica, l'aventure naturelle, un film de Johan Leduc et Jadrin Huot. Le musée d'Eaton Corner organise un souper spaghetti le 22 novembre. Le Père Noël sera au BMR de Istingus le 22 novembre de 10h à midi. À Saint-Isidore de Clifton, une marche de solidarité pour la défense des droits de l'enfant est organisée le 22 novembre à 10h. Départ au bureau municipal. On marchera aussi à Scottstown. Départ à 10h à l'hôtel de ville.